Le bonhomme se tourna de son côté, en restant couvert jusqu'au menton. « Eh bien, qui aimez-vous mieux, de Madame de Restaud ou de Madame de Nucingen ?»« Je préfère Madame Delphine, » répondit l'étudiant, « parce qu'elle vous aime mieux. » À cette parole, chaudement dite, le bonhomme sortit son bras du lit et serra la main d'Eugène. « Merci, merci, » répondit le vieillard ému. « Que vous a-t-elle donc dit de moi ?» L'étudiant répéta les paroles de la baronne en les embellissant, et le vieillard l'écouta comme s'il eût entendu la parole de Dieu. « Cher enfant, oui, elle m'aime bien. Mais ne la croyez pas dans ce qu'elle vous a dit d'Anastasie. Les deux sœurs se jalousent, voyez-vous. C'est encore une preuve de leur tendresse. Madame de Restaud m'aime bien aussi, je le sais. Un père est avec ses enfants comme Dieu est avec nous. Il va jusqu'au fond des cœurs et juge les intentions. Elles sont toutes deux aussi aimantes. Oh, si j'avais eu de bons gendres, j'aurais été trop heureux. Il n'est sans doute pas de bonheur complet ici-bas. Si j'avais vécu chez elles. Mais rien que d'entendre leurs voix, de les savoir là, de les voir aller, sortir, comme quand je les avais chez moi, ça m'eût fait cabrioler le cœur. Était-elle bien mise? Oui, dit Eugène. Mais, monsieur Goriot, comment, en ayant des filles aussi richement établies que sont les vôtres, pouvez-vous demeurer dans un taudis pareil? Ma foi, dit-il d'un air en apparence insouciant, à quoi cela me servirait-il d'être mieux? Je ne puis guère vous expliquer ces choses-là. Je ne sais pas dire deux paroles de suite comme il faut.